Ivor Bull. Anna Veda, tu connais le nez. Ivor Bull. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Pour un million, porte en l'air. Pour un million, porte en l'air. Tout pour la monnaie, traîne avec des crêles, des rebeux et des tout bas. Si je meurs, ils vont croire que je suis en vie encore comme tout bas. Faut mon joint, faut ma tête. Que je m'envole, que je plane. Pas d'album, pas de tape. À quoi je sers dans ce game, ta mère la pute. Zanazada, tu connais le name, t'en as pas l'air. La cocaine, des anti de Naples, de Palerme. Faut que j'y quitte des man. Pour me repérer, je mets encore des intercalaires. T'as plus d'un tour dans ton sac. J'ai plus d'une niaise dans la poche. Mais bébé, si je suis dans le gouffre, faut que tu tapines tous les porches. Check ta semaine. Car l'aurait les sommets. Je vais atteindre le sommet, t'as peur car tu sais que je n'ai plus sommeil. J'suis le jeu qui kick mieux que tes vétérans. Pour de la monnaie, oui, j'irai sous le vétéran. Je vais des liasses dans le jacuzzi, j'suis plus de terre qu'un yakuza. Pète un coup cousin, dans Haram Zdar, mais y'a pas de cousin. Tout pour la monnaie, tout pour la monnaie, tout pour la monnaie, tout pour la monnaie. Pour un million, on compte en l'air. Pour un billet, on te monte en l'air. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Pour un billet, on te monte en l'air. Pour un billet, on te monte en l'air. Ne suis pas nos consignes. Normal que ces conseils. Viens, suis mes conseils. Si tu veux de la coco, oui, dans ton zen. Je vais écrire un bouquin. Aujourd'hui, on te suit du nouveau. Y'a pas de cinéma. Tu repars sans dire un mot. J'préfère les lèmes que les cuisses. Keba keba sur les cuits. Son, t'as reconnu mon équipe. Le crack est toujours sur la cuisse. Son. Si j'crache c'est dans ta poussée, poussée. C'est des lyrics qui vont pousser, pousser. Je vais des liasses dans le jacuzzi. J'suis plus de terre qu'un yakuza. Pète un coup cousin. Dans le haram j'dors mais y'a pas de cousin. Dans le haram doré, y'a pas de cousin. J'fume ma drogue et je tousse. Si tu fais la même chose, y'a sa cousin, ouais. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Pour un billet, on te monte en l'air. Pour un billet, on te monte en l'air. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Tout pour la monnaie. Pour un billet, on tente en l'air. Pour un billet, on tente en l'air. Je vais des liens dans le jacuzzi. Je suis plus de terre qu'un yakuza. Pète un coup cousin. Dans Haram Zdar, mais y'a pas de cousin. Je vais des liens dans le jacuzzi. Je suis plus de terre qu'un yakuza. Eh non, Zeda, tu connais le nez.